Tu avais parlé. Bref, tu devrais parler des méthodes d'intervention. Faut pas retenir ce que je dis. Ah, oh, mais moi, c'est parce que c'est Grégoire dans la salle qui me mène l'information. Vous avez des questions? Non. Va t'asseoir là-bas. Veux-tu une question? Non. On va aller m'asseoir d'abord, moi aussi. J'essaie de reconnaître les questions. Les méthodes d'intervention. Je préfère parler de celles qui sont évoluantes que celles qui sont involuantes. Quelles sont de quelles? Tu as parlé de différents types tantôt. Intraterrestre, extraterrestre, je vois ça beaucoup plus au niveau de l'involution. Par contre, il y en a aussi qui sont de type extraterrestre, mais qui peuvent être évoluantes. Mm-hmm. Okay. Il y a toujours une problématique à parler des mécaniques d'intervention évoluantes. Comme de plusieurs autres choses qui sont à caractéristiques ascendantes, c'est que plus les égos en entendent parler, sans en mettre en application, plus à un moment donné, ils refusent d'en entendre parler encore. Alors qu'une personne qui en entendrait parler de certaines choses, qui applique les choses, verrait tellement de changements au niveau de sa vie, que si on reparle après, ben là, elle veut aller chercher d'autres informations, elle les applique, ça va encore changer sa vie, alors elle veut continuer. Quand les individus n'appliquent pas suffisamment, à un moment donné, ils finissent par s'engourdir dans une phase d'intellectualisme d'évolution, où ce qui les intéresse, c'est surtout d'avoir de nouvelles informations, puis on arrête là. En ce qui concerne tout ce qui présentement est déjà exprimé au niveau de l'intervention évoluante et de ce qui est en potentiel en croissance, il y a des mécaniques melchisédiennes, il y a des mécaniques extraterrestres supramentales, il y a des mécaniques qui sont telluriques, il y a des mécaniques qui sont archangéliques, il y a des mécaniques qui sont Voron d'Adec, il y a des mécaniques qui sont donc d'un paquet de niveaux différents. Les raisons de ces mécaniques-là? Présentement, il y a... Bon, les raisons des mécaniques. La raison de cette mécanique, elle est cosmique, ce qui fait que c'est déjà... pour en parler, il faut sortir un peu du contexte planétaire. Au niveau du contexte humain, simplement, c'est que l'être humain est présentement une espèce de pli dans tout ce qui a été créé jusqu'à date. Un pli où la... différentes dimensions, à travers cet écrasement, à travers ce pli, ont la capacité de se toucher. Se touchant, ils sont capables de... Le pli est donc capable de permettre la relation, de permettre la communication entre différents plans. On parlera donc du plan matériel, du plan vital, etc., jusqu'au plan de l'intentionnalité, que dans l'ésotérisme, souvent, on appelle le plan divin. Et parce que l'être humain est le pli, parce que l'être humain est une caractéristique particulière de la création qui... a la capacité justement de pouvoir cumuler chez lui, de pouvoir associer ensemble, de pouvoir intermêler les différentes expressions de la création. À travers l'échelle cosmique au complet, ce pli devient une forme de trou noir, ce pli devient une forme de porte, une forme d'endroit, d'une région, par laquelle, à un moment donné, le reste de la création pourra probablement passer. Il faut comprendre que l'être humain vit certaines formes de souffrance dans son contexte actuel, mais qu'il y a sur d'autres planètes, autour de d'autres soleils, et il y a même dans le cœur de plusieurs soleils, et surtout dans le cœur de notre galaxie, et on peut retrouver cette mécanique aussi dans d'autres galaxies, et un peu aussi entre les galaxies. Il y a d'autres types d'expressions de la vie, d'expressions de la conscience, on pourrait dire, qui s'expriment soit dans la vie, soit dans la non-vie, soit dans l'antivie, soit dans l'être ou dans le non-être, dépendamment des régions cosmiques. Et ces expressions de la conscience ont aussi la caractéristique de percevoir. Certaines ont la caractéristique expérientielle, d'autres pré-expérientielles, d'autres ce sera super-expérientiel, d'autres seront existentielles, pré-existentielles, super-existentielles. Et ces expressions de la conscience sont capables, dans la majorité des cas, de percevoir de la souffrance. Donc, ils sont capables de souffrir. Mais leur souffrance n'a rien à voir avec celle que nous connaissons. Étant donné qu'ils sont capables de souffrir, c'est-à-dire qu'ils sont capables de conscientiser le fait qu'ils sont dans une région où il leur manque la majorité de ce qu'ils devraient être, un peu comme nous, ils sont capables aussi de conscientiser le fait qu'ils sont dans une région où il y a une espèce d'immense monstre, un destructeur majeur qui a la caractéristique de manger l'univers, d'engloutir l'univers, de détruire l'univers. Et cela se fait progressivement. Il y a énormément de régions dans la création. Quand on parle de création, il y a plusieurs, évidemment, il y a des super-univers, il y a plusieurs univers. Alors, on va se contenter de parler de notre univers. Dans l'univers, il y a présentement la conscientisation assez forte dans la majorité des mondes refroidis où il y a de l'expérience, de l'expression de conscience, que le grand mangeur, la grande bibitte, le grand destructeur se rapproche, et que dans quelques temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces planètes, de ces étoiles seront totalement anéanties, totalement détruites. La problématique, c'est que il y a, dans ce destructeur de l'univers, il y a une caractéristique assez intéressante, c'est qu'au fur et à mesure qu'il mange, qu'il digère, qu'il engouffre les soleils, qu'il engouffre les planètes, qu'il engouffre les espaces entre les étoiles, au fur et à mesure qu'il engouffre donc de l'univers, à l'intérieur de cette créature se recrée une forme d'univers qui n'est pas, en termes de dimension, qui n'a pas de contrepartie dans l'intellect humain ou qui n'a pas de contrepartie dans l'espoir ou encore dans la conscience astralisée de l'humain, c'est-à-dire que dans cette espèce d'animal, dans ce gros monstre, dans cette grande bébite qui bouffe l'univers, il y a des possibilités de pouvoir être recréé, de pouvoir se restructurer, de pouvoir se réharmoniser, de pouvoir se restabiliser. Cela veut dire que les individus ou que c'est les entités qui vivent dans des mondes où le grand destructeur approche, les entités qui sont là les plus évoluées, ceux donc qui sont capables d'exprimer une conscience consciente de son expression, ceux qui savent, ont la capacité de se rendre compte qu'ils doivent obligatoirement faire partie à un moment donné de quelque chose qui ne sera pas totalement digéré par le destructeur, mais qui sera assimilé plus ou moins tel quel, parce qu'il y aura une utilité quelque part au niveau de la vie même du grand destructeur. Le grand destructeur, on pourrait y revenir à un moment donné, l'une des nourritures qu'il a le plus besoin, l'une des nourritures qu'il ne digère pas, mais qu'il récupère comme allié, l'une des nourritures qu'il ne digère pas, mais qu'il replace chez lui, dans un rôle qui est de beaucoup supérieur au rôle que jouait la nourriture de base. Cette nourriture qui est extrêmement recherchée par le grand destructeur, c'est l'humain, c'est l'homme. L'homme a la caractéristique de ne pas être digéré par le grand destructeur. On parle de l'être humain, on ne parle pas de l'animal humain, on parle encore une fois de caractéristiques capables d'exprimer de la conscience. Et il y a présentement à l'échelle de notre univers énormément de phénomènes extra et intraterrestres. On parlait surtout des mécaniques extraterrestres supramentales. Quand on parle de supramental, cela veut simplement dire que dans leur expression actuelle au niveau des structures solaires ou planétaires, ils n'ont pas de corps physique. Ils n'ont donc pas de corps vital, ils n'ont nécessairement pas de corps astral. Donc, ce sont des phénomènes supramentaux, mais qui ne sont pas supérieurs à l'homme parce qu'ils sont supramentaux. J'ai déjà expliqué souvent que l'énergie supramentale ne valait rien tant qu'elle ne touchait pas un être humain. Comme l'être humain ne valait pas beaucoup s'il ne touchait pas un plan supramental au niveau d'une vision extraterrestre. Donc, il y a dans ces mécaniques extraterrestres supramentales énormément d'expressions de la conscience qui sont relativement différentes les unes des autres et qui sont à la recherche d'une fusion entre l'être humain et eux-mêmes, de façon à ce que lorsque le grand destructeur va se pointer le nez, lorsqu'il va engouffrer notre soleil, lorsqu'il va engouffrer notre planète, lorsqu'il va engouffrer notre système stellaire, ces énergies fusionnées à l'homme, puissent être sauvées de la destruction et puissent être restructurées quelque part dans le grand destructeur. Donc, il y a, tu me parlais du plan cosmique. Le plan cosmique, on parlait du plan universel présentement, il y a un grand destructeur qui, lui, appartient à la gestion des super-univers. C'est quelque chose qui procède de l'effusion des énergies créationnelles dans les systèmes super-universels et qui, présentement, entreprend la réversibilité de l'effusion des énergies pour engendrer les super-univers, les univers, les galaxies, les systèmes solaires et les planètes. Et c'est une mécanique qui pourrait s'appeler, on parle de grand destructeur, on pourrait appeler cela aussi le grand fusionneur. Pour mettre des mots, justement. Alors, cette mécanique, cette grande bibitte, ce grand destructeur qui présentement bouffe l'univers, a des caractéristiques qu'il se retrouve dans certaines régions de notre galaxie. On en a déjà vu des traces au niveau astrophysique. On va laisser ça pour Maurice à un moment donné, il aime se poser des questions sur l'astrophysique. Alors, il y a déjà eu des traces, les astrophysiciens ont déjà découvert de la présence du grand destructeur. Et ils en ont peur, ils cherchent à comprendre certaines choses, etc. C'est évident qu'en termes chronologiques, la planète Terre est encore à quelques années du grand destructeur le plus près. Mais à l'échelle stellaire, à l'échelle cosmique, évidemment, on est à quelques secondes. Mm-hmm. Bon. Et cela fait partie des processus de fusion qui, à un moment donné, vont finir par engendrer ce que j'ai déjà expliqué, la résorption complète de la création. Mais ce grand destructeur-là, pourquoi veut-il bouffer de l'humain? Ah, il veut pas bouffer l'humain. Il veut essayer de s'en accaparer d'une certaine manière. Non plus. Mais qu'est-ce qu'il veut en faire? Il veut ne pas mourir. Alors, il s'alimente. OK, il s'alimente. Ah oui, pourquoi vous voulez manger de la laitue? Ben, vous voulez pas manger de la laitue? Mais quand vous avez faim pour de la laitue, vous mangez de la laitue. Mais si vous auriez jamais faim, oui. Mais l'humain l'alimente à cause de son énergie, à cause de ce qu'il est? On va revenir donc à l'humain. Et on va expliquer, c'est une très bonne question, mais on va s'échapper des mécaniques d'intervention extraterrestre. Mais ça le fouille, mais même aussi. Donc, ça c'est le plan cosmique, que sur lequel je n'ai pas élaboré complètement, mais quand même, ça donne une idée. À l'échelle planétaire, il y a donc énormément de mécaniques supramentales qui, justement, recherchent un contact avec l'humain. Dans ces mécaniques, il y a des mécaniques qui n'ont pas de conscience réellement supramentale. Ce sont des mécaniques qui ont des corps physiques atomiques, donc, qui ne sont pas nécessairement exprimés comme une autre, qui ne sont pas nécessairement humanoïdes, donc à forme humaine. Certains sont humanoïdes, certains sont androïdes. Et ces énergies, dans la majorité, vont donc rechercher l'humain. Parce que l'humain parvient présentement à un contact supramental, parce que l'humain commence à vivre un contact avec son ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est l'extension du périsprit de l'humain. Dans le périsprit de l'âme, il y a deux choses. Il y a le périsprit qui porte le nom périsprit, hein, qui est de l'énergie vitale, qui, elle, est totalement collée au plan astral. Et dans le même périsprit, il y a une nuance, c'est-à-dire que vers la périphérie du périsprit, vers l'extérieur du périsprit, l'énergie qui n'est pas collée au plan astral porte un autre nom, c'est Séraphin. Et l'énergie séraphique, c'est de l'énergie vitale qui, elle, va vivre une excroissance progressive par anégoïsation, et cela va engendrer le double éthérique. Parce que certains humains, présentement, ont la capacité de toucher, d'avoir le double éthérique, donc de vivre un peu plus de gustation supramentale, il y a présentement des canaux qui ont été créés depuis quelques années chez certains individus, et c'est connu à l'échelle de la planète, c'est-à-dire que lorsqu'un humain peut le faire, au niveau de l'univers ou de la galaxie, on sait que d'autres humains pourront le faire. Et cela a engendré des canaux, des espèces de cheveux, des fils, qui relient la majorité des mondes où il y a eu des effusions, antiquement, antérieurement reliés à l'humain. Et à travers ces mondes effusionnels, il y a des mondes qui, présentement, ont reçu une partie du contact. Ils sont en contact avec le canal séraphique de l'humain. Et ils sont donc au courant qu'il y a quelque part dans la galaxie, donc dans notre univers, des êtres qui ont la capacité d'être matière, d'être vie, d'être mémoire, d'être logifération et d'être intelligent, d'être supramental. Et ces êtres-là sont la nourriture la plus recherchée du grand destructeur. Alors, de par ces canaux séraphiques, il y a de plus en plus des mécaniques qui font en sorte que ces énergies, on va dire de ces individus, vont commencer à préparer un voyage. Ce voyage est un voyage à travers le temps, à travers l'espace, qui va les amener directement chez l'homme, dans le contexte planétaire humain. Étant donné que la majorité de ces sphères, la majorité non, qu'une grande partie de ces sphères où vivent les entités, donc les êtres qui ont été fusés, qui sont reliés au contexte humain, sont extrêmement près du grand destructeur que j'ai parlé au début, ces êtres-là ont une obligation vitale de se séraphino-porter, bref, de s'en venir, à travers le canal séraphique, dans le contexte planétaire. Pour pouvoir vivre, ils ont besoin d'égrégores supramentales. Pour pouvoir vivre, ils ont besoin donc d'un monde suffisamment supramentalisé. Certains humains seront de bons égrégores supramentaux. Certains humains qui seront suffisamment en contact avec leur double éthérique seront des êtres capables de recevoir certaines de ces entités. Et ces entités sont des entités supramentales, sont des entités qui n'ont pas connu la mémoire, qui n'ont pas connu la mort et qui n'ont pas connu le corps. Ce sont des entités qui ne sont pas coloratives, ce sont des entités qui sont de la conscience intelligente, de la conscience spontanée, de la conscience active et qui sont de la conscience pure. Une grande partie de ces entités vont donc venir demander, quémander, une maison. Et plusieurs êtres humains vont, dans les temps qui viennent, avoir la capacité, non pas spirituelle, non pas émotive, mais réelle, d'offrir leur double éthérique comme maison, à ces entités fusionnelles. Donc, à ces extraterrestres supramentaux. À ce moment-là, le WTX ne sera pas une copie de l'humain. Il est une copie de l'humain dans lequel va habiter de l'énergie. OK. Si l'être humain meurt et que l'être humain doit gagner son dométérique, c'est les entités qui sont à l'intérieur vont quitter le dométérique et vont aller dans un égrégore supramental sur lequel je vais revenir, qui est présentement en formation, en croissance. Étant donné que le peu d'entités dométériques qui existent présentement, et surtout au niveau du volume, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à créer un dométérique, mais ils n'ont pas, c'est pas un gros dométérique, les entités fusionnelles qui proviennent de ces mondes ne peuvent pas tous venir en même temps. Alors, il y a présentement la création collaborative, en collaboration avec certains êtres humains, quelques humains. La majorité, non, c'est faux. Tous ces êtres humains restent au Québec. On se voit la majorité parce que les égaux québécois sont médiocres. Alors, s'il y en a d'autres ailleurs, ça le plaît plus que s'il n'est pas ailleurs, mais finalement, il n'est pas ailleurs. Alors, tout se passe présentement ici au Québec. Il y a des personnes qui travaillent à créer des égrégores, à créer en l'occurrence un égrégore supramental qui servira de maison aux phénomènes effusionnels. Les phénomènes effusionnels, lorsqu'ils vont se pointer, ils pourront donc quitter les dobétériques qui leur auront été prêtés en attendant. Ceux qui auront un contact avec ces dobétériques, donc ceux qui auront un dobétérique qui abritera une conscience effusionnelle, ces personnages auront donc la capacité par transport séraphique de visiter des mondes dans d'autres galaxies, donc dans notre univers. Et cela va permettre à ces personnalités d'avoir non seulement une bilocation de conscience, une conscience supramentale galactique et une conscience planétaire, mais ils auront aussi la capacité au niveau du plan supramental de visiter d'autres mondes, toujours pas en visite spirituelle ou émotive. Mm-hmm. Et cela va permettre l'organisation de la survie. L'organisation de la survie de différentes formes d'expression de la conscience supramentale à travers le temps et à travers l'espace, cela va donc permettre l'organisation de survie de la race humaine qui, elle, sera suffisamment conscientisée dans les temps à venir. Et donc, je parle des êtres, de ceux qui sont donc transportables, et en même temps de la race, ou donc des races, des êtres qui sont fusionnellement reliés à l'humain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que présentement, il y a quelques humains qui sont en train de travailler à la structuration d'un égrégore supramental suffisamment ample et suffisamment supramentalisé, suffisamment pur, suffisamment transparent, pour pouvoir servir de réceptacle à ces êtres fusionnels. Et ces êtres fusionnels, en contrepartie, vont donner aux personnalités qui travailleront en collaboration avec les Grégoires, ces êtres fusionnels vont donner à ces personnes-là, non seulement de l'énergie pour leur permettre de plus facilement créer et finir leur anégoïsation, c'est-à-dire qu'ils vont s'arranger pour permettre à ces êtres humains de devenir suffisamment purs dans leur âme, donc avoir une âme pure, de devenir suffisamment fusionnels pour pouvoir établir des contacts suffisamment intimes et suffisamment rapprochés avec les êtres fusionnels à caractéristiques supramentales qui viennent des autres mondes. Cela va faire en sorte que dans les temps qui vont venir, l'alliance entre l'être humain totalement matérialisé et l'alliance entre les êtres fusionnels va permettre dans la matière vitale planétaire, la création supramentale de vaisseaux transporteurs. Donc, on parlera d'unités massives qui seront capables de prendre des corps humains, de prendre de la matière à bord pour pouvoir les transporter probablement soit à travers le temps dans une autre planète ou sur la même planète, la planète Terre, soit à travers l'espace sur une autre planète autour d'un autre Soleil. Maintenant, j'ai déjà expliqué un petit peu dans une conférence régulière sur justement quand les extraterrestres vont intervenir. Un peu différentes mécaniques qui vont se passer ici. Mais ce qui nous concerne surtout, nous, c'est de comprendre que le développement d'un dométérique a différents avantages pour l'être humain et en même temps, mais pour aussi d'autres entités fusionnelles qui, eux, ont toutes les caractéristiques essentielles pour devenir nos alliés. Finalement, il y aura probablement une fusion nécessairement entre le dométérique et l'entité humaine lorsque le temps sera venu, mais il y aura à un moment donné aussi une fusion d'amour. Mais pas, on parle toujours d'amour intelligent, évidemment, on ne parle pas de l'amour émotif. Il y aura une fusion, une symbiose totale entre les entités fusionnelles qui vont venir sauver l'humanité et les humains qui vont venir sauver les entités fusionnelles et dans des temps qui sont, disons, dans la chronométrie humaine, pas tout à fait rapprochée, mais quand même, qui c'est relativement près. Quand on parle de contact éthérique, dométérique avec les entités fusionnelles, il y a présentement deux êtres humains sur la planète qui ont un contact avec des entités qui proviennent de d'autres galaxies. Donc, on ne parle pas d'extraterrestres qui habitent Vénus, qui habitent la partie cachée de la Lune et qui habitent Ganymède autour de Jupiter. d'extraterrestres qui, dans le passé, ont engendré la mécanique luciférienne et qui ont engendré aussi les deux formes d'extraterrestres que l'on connaît aujourd'hui, qui sont présentement les gardiens de la prison, c'est-à-dire qu'ils sont les gardiens de la prison. La Terre est une prison. Sauf que les êtres humains ne sont pas les prisonniers, ce sont les extraterrestres qui sont les prisonniers. Les êtres humains, à l'époque, étaient des animaux. Au niveau de la conscience extraterrestre, il n'y a pas de grosse problématique à planter des extraterrestres sur une planète Terre habitée par des dinosaures, habitée par des amibes, habitée par des gestions d'animaux particuliers. Sauf que dans les prisonniers qui ont été placés ici, et à un moment donné, on pourra parler de qui est prisonnier, qui sont les bons, qui sont les mauvais, c'est peut-être des prisonniers politiques, hein, on ne sait pas. Alors, dans ces prisonniers qui ont été placés ici, il y a eu des contacts entre l'homme, entre certains animaux. Et ceux qui ont habité Vénus, qui habitent encore Vénus aujourd'hui, dans la majorité, ce sont ceux qui ont réussi le mieux à s'associer aux animaux humains. Et cela a engendré ce que nous sommes, nous, l'être humain. Les deux autres formes de mécanique intraterrestre, Ganymède et la Lune, sont des mécaniques qui sont présentement enfermées, prisonniers. Et parce que les extraterrestres qui ont engendré l'humain, la partie luciférienne, était beaucoup plus puissante. On parle de Satan, qui est une forme qui d'ailleurs va engendrer une des races d'intraterrestres qui est connue aujourd'hui. Et parce que la partie luciférienne était beaucoup plus forte, finalement, les deux autres races intraterrestres ont été traitées comme nos singes, c'est-à-dire qu'elles ont été, à un moment donné, obligées à une forme d'évolution, à une forme de stagnation. Alors, quand je parle d'intervention extraterrestre, je ne parle pas de ceux qui ont été rencontrés jusqu'à date à l'échelle planétaire, je parle de ceux qui n'ont pas été rencontrés. On parlera donc d'extraterrestres qui, à un moment donné, vont entrer en communication supramentale, en communication télépathique. Mais pour avoir une télépathie, il faut déjà accepter la réincarnation ou la fusion de certaines énergies d'un individu. Bon, alors si je suis télépathe avec quelqu'un ici, ça veut dire que j'ai accepté sa présence réincarnative chez moi et qu'elle a accepté ma présence réincarnationnelle chez elle. Bon, sinon, on ne peut pas être télépathe. Mm-hmm. Bon, dans les mêmes familles, il y a plus de télépathie. Les personnes qui sont de grands amis peuvent devenir télépathes, mais se réincarnent mutuellement un petit peu. Alors, lorsque l'être humain va donc avoir un contact avec la mécanique supramentale, comme certains d'eux ont commencé, et comme d'autres vont en avoir dans les temps qui viennent, et quand je parle dans les temps qui viennent, je parle dans les mois et dans les années à venir. Bon, je ne parle pas dans les 200, 300 années. Je suis dans la chronométrie humaine, donc dans les temps qui viennent, très, très, très, très prochainement, il y aura de plus en plus d'humains qui pourront prêter leur dométhérique à l'attraction d'un phénomène supramental et fusionnel extérieur. Et présentement, déjà là, il y a la préparation d'égrégores supramentaux. Regardons ceci. On sait que, historiquement, l'humain et motif spirituel a toujours eu tendance à transposer dans l'émotivité, dans la matière spirituelle comme dans la matière matérielle, mais supportée par le plan spirituel, de l'information supramentale qu'il recevait. Lorsqu'à un moment donné, l'intelligence supramentale dit que les êtres humains devraient, un jour, vont vivre d'une façon, dans une société communautaire, c'est-à-dire qu'ils vont vivre dans une société où ils n'auront jamais rien à payer, dans une société où les individus auront des espaces vitaux à eux, dans une société où les biens essentiels à la communauté appartiennent à la communauté, et etc. Alors, il y a progressivement une gestion qui s'est faite dans le monde astral, et il y a des personnes qui ont tenté de mettre ça en pratique, ils ont fait des communes. Les communes, ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que c'est l'émotivité humaine qui tente d'exprimer dans un contexte astralisé une vision supramentale. À un moment donné, on aura eu, par exemple, l'idée du projet OFSA, qui est toujours existentiel au niveau de certains plans, mais qui a, bon, le village écologique de l'ère du Verseau, il y a eu d'autres phénomènes plus similaires, donc qui se rapprochent un peu de la mécanique. Mais encore une fois, il y a toujours eu des problèmes. L'égrégore supramental qui est présentement en constitution par certains individus, ça se compte sur les doigts des mains et des pieds, bon, de trois personnes. Alors, l'égrégore supramental, il a déjà été perçu astralement. L'humain a perçu depuis longtemps qu'un jour, il y aurait le retour du Christ. Énergie christique, énergie supramentale. Donc, plusieurs personnes ont attendu. C'est donc l'expression astralisée encore d'une perception supramentale. À un moment donné, on a décidé de faire une ambassade pour les extraterrestres. Mais l'ambassade pour les extraterrestres, c'est un endroit neutre où les extraterrestres pourront venir. C'est l'égrégore supramental. Sauf que les individus, émotivement, vont vouloir faire une ambassade. Alors, on pourra se référer au mouvement raélien, par exemple, qui veulent avoir un territoire neutre à l'échelle planétaire, bâtir des structures et recevoir des extraterrestres en vaisseau. Mais les extraterrestres qui se sont pointés jusqu'à date sont des extraterrestres qui proviennent, certains proviennent de Ganymède, et ce ne sont pas des extraterrestres les plus pacifiques. Enfin, bref. Et lorsque l'un de ces anciens, bref, bon, pour revenir là-dessus, c'est compliqué, mais là-dedans, ça se prétend bien des choses, ils ont tous tort et ils ont tous raison. Lorsque l'être humain va présentement, il y a une création d'énergie supramentale, d'un égrégore supramental. Pour que cela se fasse, il faut de l'énergie. Pour qu'il y ait de l'énergie, il faut que plus d'humains se conscientisent. Pour que plus d'humains se conscientisent, il faut plus de communication. Pour qu'il y ait plus de communication, il faut plus d'énergie. Alors, il arrive quoi? Il arrive que de temps en temps, ça fait comme si c'était long. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en gestation, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se structurer au niveau de l'écorce, au niveau de la biosphère, de l'écorce atmosphérique terrestre. Il y a beaucoup de choses en train de se créer dans le système atomique de certains gaz. Il y a beaucoup de choses en train de se créer au niveau des forces supramentales. Il y a un pilonnage limité, mais de plus en plus croissant, en train de se faire au niveau des forces astrales. Et, de temps en temps, les individus sont obligés d'attendre. Attendre uniquement que certaines choses se fassent ailleurs. Et quand on parle ailleurs, on parle toujours au niveau du contexte planétaire, mais au niveau du plan supramental. Présentement, il y a énormément de changements au niveau des structures humaines d'évolution, c'est-à-dire que il y a eu l'instauration, l'installation et l'habitation, l'aménagement d'un petit égrégore supramental. En réalité, il y a deux petits égrégores supramentaux présentement qui ont été rejoints par des mécaniques supramentales et fusionnelles qui proviennent de d'autres galaxies. Et cela a adouci l'humeur évolutive de l'astral, de l'atmosphère astrale, de ceux qui sont énergétiquement les plus aptes à faire des rencontres extraterrestres supramentales. Donc, il y a, il y a eu une transcendance de conscience chez certains individus depuis quelques mois. Et il y a eu une pacification, un adoucissement énergétique depuis 2, 3, 4 jours. Bon. Plus les individus vont mettre en pratique certaines choses, plus les individus vont exprimer la capacité de nourrir l'égrégore supramental, plus rapidement les choses vont changer. Il y a présentement donc l'orchestration d'une mécanique d'intervention pour les années à venir. Et cette mécanique d'intervention, c'est exactement comme si on était en train de construire une base d'appoint sur la Lune. Mais c'est sur la Terre qu'elle se construit, et elle se construit sur la Lune, en réalité, disons, dans l'égrégore supramental. Quand je dis sur la Lune, c'est uniquement pour qu'on comprenne que ce n'est pas peut-être pas tout près de nous, mais c'est comme si présentement on fait une base d'appoint où il y aura peut-être, disons, du pétrole, et par la suite, il y aura des vaisseaux qui viendront, ils se réapprovisionneront là, ils iront sur la Terre, pourront après ça faire d'autres choses. Alors, mais ce n'est pas sur la Lune, ce n'est pas matériel comme cela, mais c'est au niveau des égrégores supramentaux. Il y a énormément d'interventions qui de création. Présentement, tout ce qu'on vient de faire, simplement, c'est que depuis quelque temps, il y a eu un contact réel établi entre certains êtres humains bien vivants et les êtres fusionnels bien supramentaux de d'autres mondes. Il y a eu des contacts séraphiques, il y a eu des transports séraphiques, il y a des humains qui ont été là. Il y a des parties fusionnelles qui sont venues sous le contexte planétaire. Et il y a des ententes qui se sont faites. Et quand on parle d'ententes, ce n'est pas des ententes politiques, c'est des ententes tactiques. Il y a des ententes qui se sont faites et il y a c'est prêt à construire. Mais comment se construire un égrégore supramental? On ne se construit pas un égrégore. Donc, comment construire un égrégore supramental? Bon, premièrement, la façon d'avoir son égrégore supramental, c'est d'avoir un double éthérique. Mais tantôt, quand tu parlais des êtres fusionnels qui viennent, par exemple, loger pendant un certain laps de temps un double éthérique, est-ce que c'est un double éthérique complètement constitué ou s'il peut être en constitution? C'est un double éthérique qui peut être en constitution, mais qui est suffisamment avancé pour que l'individu ait perdu la capacité humaine de chialer. Puis en par la suite, l'égrégore supramental, mais qui n'est pas personnel, qui est beaucoup... L'égrégore supramental, il est en construction présentement. Mais on doit comprendre encore une chose, je ne veux pas tout compliquer. Mais il y aura plus qu'un égrégore supramental et il y aura plus d'une façon, on va dire spirituellement, d'être sauvé. Mais pourquoi plus d'un égrégore? Pour la simple raison qu'il y a plus d'un faisceau. Alors, ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que, par exemple, il y a des individus présentement qui sont en contact avec plusieurs faisceaux. Alors, j'ai expliqué ça dans une conférence. Il y en a qui sont en contact avec un, il y en a qui sont en contact avec un principal et quelques, avec un principal et quelques autres, et il y en a qui sont en contact à plusieurs façons. Il y a donc des individus qui auront la capacité d'être, quand on dit sauver, il faut bien s'entendre avec le terme, ce n'est pas une question de sauvage ou de sauvage, mais... mais on va garder le mot, ça simplifie les choses. Alors, il y a des personnes qui peuvent être sauvées par telle intervention extraterrestre, uniquement. D'autres pourront être sauvés par celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Est-ce qu'ils vont tous se retrouver au même endroit? Tous des endroits différents. Temporairement. Pour quelques millions d'années. Non, mais ça, c'était une farce. Pour quelques milliers d'années. Bon, tout ça simplement parce qu'ils ne font pas partie du même faisceau. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont des actions différentes à faire? Premièrement, déjà, aujourd'hui, ce sont des gens qui, dans la forme d'évolution supramentale, ne peuvent pas ou ont de la très grande difficulté d'être en contact. En contact, dans leur conscientisation, sont des individus qui ont tout ce qu'il faut pour faire partie du même processus de fusion. Mais le fait qu'il y ait des individus qui ne fassent pas partie du même processus de fusion, est-ce que c'est parce qu'ils ont des actions différentes? Oui. Mais je ne veux pas en parler. Pourquoi j'ai fait un détour là-dessus, c'est pour qu'on comprenne à un moment donné que si on travaille dans une forme, par exemple, de travail, c'est pas pour se sauver. Celui qui veut se sauver est déjà astralisé. Déjà partant, il y a des gros problèmes. Bon. Mais on parle simplement d'accomplir de l'intelligence. Cesser d'être pogné, cesser de souffrir, cesser d'être manipulé. Tout ça, ça me plaît. Bon. Puis si c'est utile, tant mieux. Bon. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'étant donné qu'à un moment donné, on va découvrir, comprendre, ou on va expliquer une mécanique d'intervention. Et certaines personnes pourront dire, oui, c'est drôle, j'étais à telle place, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, mais j'ai entendu dire que d'autres personnes ailleurs aussi avaient eu telle affaire. Alors, je ne comprends pas que l'intelligence se divise en deux. Qui a raison? Les deux ont raison. D'accord? Embarque chez les Russes, embarque chez les Américains, mais les deux, ce sont des alliés. Tu ne mangeras pas les mêmes plats, tu ne parleras pas la même langue, tu ne coucheras pas dans les mêmes lits, ce sera bien différent, mais dans les deux cas, ce sera correct. L'action est différente, mais le résultat est le même. Le travail est un travail de collaboration. L'objectif est le même. Quel okay, objectif, plutôt? Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai fait un petit détour, simplement. C'est donc, on peut évidemment commencer à chercher, mais la problématique, c'est que l'individu ne doit pas, dans sa phase de conscientisation, commencer à magasiner le conscientissage, comme on le fait en spiritualité. Alors, la conscientisation, parce que, bon, on peut parler, par exemple, de d'autres personnes au Québec qui font un travail aussi, et une personne peut aller les rencontrer et dire, c'est exactement la même chose, mais ça ne me plaît pas. C'est ça. C'est que c'est de l'intelligence supramentale, mais la longueur d'onde n'est pas tout à fait celle qui peut faire vibrer tes cordes. Mais est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, est-ce que si, est-ce que ça, on n'a rien à faire. C'est que tout le monde a raison dans l'intelligence. Mais il faut comprendre qu'il y aura des mécaniques d'intervention qui seront apparemment séparées, alors qu'à la tête, elles sont totalement reliées. Bon. Mais ça ne vaut pas la peine de dire à tout le monde, écoutez, vous n'aimez pas le goût des oranges, là, puis eux n'aiment pas le goût des citrons, mais faut qu'on se tout ensemble, fait que vous allez apprendre à manger les oranges, vous allez apprendre à manger les citrons. Surtout qu'il y a peut-être une raison pour laquelle... Il n'y a pas peut-être. Il y a une raison. Absolument, absolument, absolument. Mais le pourquoi? Pourquoi c'est pourquoi une, parce une que, raison? Parce que. Juste pour revenir dans le sujet, il y a effectivement plein de raisons pour revenir à un moment donné. Donc, au niveau de l'intervention, ce qui va être extrêmement important à comprendre, c'est qu'il y a des mécaniques qui vont permettre à des individus de nourrir un égrégore supramental. Mais maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la seule façon de pénétrer un vaisseau supramental, c'est d'avoir sa propre porte. Est-ce que sa propre porte rejoint son double éthérique? C'est très, très cela. Et un peu plus. C'est quoi, un peu plus? On va quelqu'un pour sortir l'autre affaire. L'individu, bon, sa porte, ça sera son double éthérique, il lui faudra les clés. Les clés, c'est qu'un individu peut embarquer dans un vaisseau supramental uniquement s'il a participé à sa construction. Donc, s'il a participé à son énergisation. Quelqu'un qui se développe un double éthérique, nécessairement, ça négocie nécessairement applique certaines choses, et nécessairement en appliquant ces choses-là, nécessairement, il va participer à la création d'un égrégore supramental. Et si, par exemple, il veut changer d'égrégore à un moment donné et qu'il n'a pas participé à l'énergisation de l'autre égrégore, il ne peut pas rentrer dedans. Alors, quand on parle de la soucoupe volante qui descend puis une porte qui s'ouvre, c'est pas vrai. Il va y avoir un maudit paquet de portes. Puis chacun va rentrer par chacune des portes. C'est sa porte. Donc, c'est pas un vaisseau comme ça. Mmh. Mais on comprend l'idée. Donc, les individus resteront individuels. Leur conscience restera autonome, pure, libre. Parce que, mais bien qu'ils aient structuré un égrégore supramental ensemble, ils font partie de leur propre intégrité au niveau de l'évolution, ils vont rencontrer leur propre intelligence. Donc, un individu, à un moment donné, qui déciderait d'eux, ne peut pas. Quand les gens, de temps en temps, me disent « Oui, mais mettons que moi, j'évolue énormément, extraordinairement, merveilleusement, puis qu'il y aurait une intervention extraterrestre ou n'importe quoi, parce qu'on s'en fout. Est-ce que je peux, mettons que ce serait une soucoupe volante, bon, est-ce que je vais pouvoir amener mes enfants? » Et si on leur porte, ils vont venir, tu les amèneras pas. Oui, d'accord, d'accord, d'accord, mais mettons qu'ils ne sont pas assez évolués, etc. Non. Mais mon père, ma mère, non. Mais de toute façon, si une personne a un double éthérique constitué, elle ne se posera pas ces questions-là. Exact, mais là, je parle des individus qui n'ont pas le double éthérique suffisamment constitué et qui posent la question, je leur réponds non. Donc, ça ne sert à rien de travailler pour sauver ceux qui devraient eux-mêmes se prendre en main. On peut laisser des choses, mais on ne doit pas penser qu'on devra convertir ou qu'on devra forcer, ou etc. Et nécessairement, il y a des égos qui peuvent dire, oh, « ben écoute, moi, si mon chat ne vient pas, moi, j'y vais pas. Tu sais, si ma mère ne vient pas, si mon père ne vient pas, si mes enfants ne viennent pas, moi, j'y vais pas. Vas-y pas. » Mais tantôt, comme quand tu parlais, si par exemple une personne, lorsqu'arrive le temps, les différentes portes, encore là, si son double éthérique est suffisamment constitué, il va savoir à quelle porte, il ne cherchera pas à aller à une autre porte. Ah ben non, ça c'est évident. Moi je parle au niveau de la création, tu es en train d'énergiser un égrégore, puis tu es en train de t'en égoïser, puis l'intellect, l'astral vient de charrier, okay. Écoute, d'un coup tu te trompes de place, c'est peut-être eux autres là-bas, là. Ouais, c'est vrai ça, là. Là tu t'en vas voir là-bas, puis ça a bien de l'allure, ça a de l'allure uniquement pour ton égo. Là tu recommences là-bas, après ça, écoute, d'un coup que, ah c'est vrai, ça bon. J'ai expliqué la mécanique pour qu'à un moment donné qu'on cesse de niaiser. Ok, il y a peut-être 5, 6, 7, 8 portes qui vont paraître, il y en a 2 présentement en création. Ça n'a aucune importance de savoir laquelle, prends-en une. Puis pour en prendre une, il faut que tu bâtisses la porte et que tu bâtisses la clé. Simple. Sinon, tu ne peux pas prendre cela. Tu pourras t'accrocher à l'extérieur, puis quand passeras-tu de l'océan, tu glisseras. Tu tomberas. Mais bâtir la porte et bâtir la clé. Eh oui. La clé, c'est encore très personnalisé. La clé, c'est de nourrir l'égrégore en fonction de sa présence et en fonction de la mutation qu'on va opérer sur soi-même. Donc, on va bâtir une clé en s'en égoïsant et on va bâtir une porte en créant notre double éthérique. Donc, en s'en égoïsant encore. Sauf que les individus doivent créer une synergie. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer uniquement une pièce. La pièce ne pourra pas voler. Donc, les individus, il y a, par exemple, quelques façons de s'en sortir. Qui sont toutes similaires, mais c'est au niveau de la gustation énergétique qu'il y a une nuance. Mais quelles sont ces façons? Bon, les façons, c'est les individus. Par exemple, il y a des individus qui auront un contact séraphique. Puis chaque individu qui aura un contact séraphique devient une façon. Ça veut dire que si un individu a un contact séraphique, les autres individus devront passer par lui. Ou avoir un contact séraphique. Puis il y aura maximum 7-8 contacts séraphiques. Il y en a déjà eu 2. Bon. Mais quand tu dis qu'ensuite les autres devront passer par ceux qui ont un contact séraphique, ça veut simplement dire que ces individus-là devront créer une structure, un égrégore supramental en collaboration avec ce qui aurait été apporté par la partie fusionnelle qui descend. Donc là, on va se retrouver avec plusieurs égrégores supramentaux. 8, 9. Pas plus. Mais non! Puis, les individus qui devront passer par ces égrégores supramentaux-là, qui devront le constituer, à ce moment-là, parce que ça ressemble à un chantier de construction, au niveau de la visualisation. Chacun donne de l'énergie, mais c'est une synergie qui sert à former quelque chose. Mais ceux qui sont un peu en dessous, ceux qui doivent passer par un... Mais quand on dit passer par, tout ce que ça veut dire simplement, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire, écoute, j'ai rencontré des extraterrestres, là, et puis, il faut être habillé en bleu pour rentrer dans leur vaisseau. Tu es bien bleu. Donc, tu es obligé de passer par l'information que l'autre t'amène. Mm-hmm. Là, tu vas dire, écoute, j'aimerais ça les rencontrer moi-même, savoir, là. J'ai rien contre, ils vont dire de t'habiller en bleu, fait que sauvons-nous du temps. T'sais, s'il y a juste les égaux, ça ne fonctionnera pas. Ça sert à rien. Si tu n'as pas suffisamment d'énergie pour reconnaître l'individu qui vient de parler, tu n'auras pas suffisamment d'énergie non plus pour pouvoir pénétrer le vaisseau, tu ne le verras jamais, le vaisseau. Tu as passé au travers, tu ne sauras même pas qui est là, tu vas encore le chercher. Bon. Alors que tu vas aller, par exemple, tu vas dire, écoute-moi là ailleurs, moi là, bon, va ailleurs. Puis ailleurs, il y aura une personne qui a eu un contact avec un phénomène infusionnel aussi, qui sera adapté aux individus, à une caractéristique d'individu conscientisant. Puis il te dira, il faut s'habiller en vert. Ben, là-bas, c'est en bleu, là. Qui c'est qui a raison? Tout le monde a raison. Mais habille-toi pas en bleu pour rentrer dans le vaisseau vert. Tout le monde aura eu tort. Tu auras la preuve que tout ça est une farce. Tu auras fait à moitié les deux. Et tu pourras justement te vanter astralement que je savais que c'était pas vrai. Puis tout ça, la formation de ces égrégores supramentaux-là va donc pas éviter, mais c'est presque. Est-ce que c'est une protection contre le grand dévoreur? Oh! C'est une. C'est quasiment comme la construction d'un vaisseau. C'est pas quasiment comme, mais c'est ça que c'est. Mais le grand dévoreur, il va avoir l'air fin. L'air à ce moment-là, il va chercher quoi? Pourquoi il va avoir l'air fin? Parce qu'il ne pourra pas s'alimenter. Mais l'air fin. Mais il va chercher quoi à ce moment-là? Il va s'alimenter. Il va te manger. Il meurt pas un jour. Non, le grand dévoreur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va engloutir les mondes. Il va engloutir, à un moment donné, le contexte planétaire, le soleil, tout ça. Et en engloutissant ça, il va digérer et détruire totalement tout ce qui doit être détruit, c'est-à-dire tout ce qui peut être assimilé, retransformé, transmué, réadapté. Et il va conserver comme un neurone chaque individu qui aura de la conscience, sans altérer, sans transformer les individus. Donc, la façon de ne pas devenir la cellule de la prostate du grand dévoreur, c'est d'être capable d'être suffisamment neuronique, le supramental, conscient, pour ne pas être digéré, pour aller prendre immédiatement la place qui est la plus confortable, on peut dire la place qui nous est due, dans son cerveau. Et par la suite, nécessairement, nous serons les contrôleurs du grand dévoreur. Mais le grand dévoreur le sait, c'est correct. Il cherche simplement à remplir son cerveau. Et en même temps, il rallonge son corps physique. Il détruit la création. Mais si on en arrive à la formation de son cerveau de cette manière-là, il ne sera plus le grand dévoreur. Son action va être différente. Oui, évidemment, quand il n'y a plus rien dévoré, il ne sera plus le grand dévoreur. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je te disais qu'on peut aussi l'appeler le grand fusionneur. OK. Alors, lorsqu'il aura totalement bouffé l'univers, il va commencer un processus de fusion à l'interne. Et ce processus de fusion à l'interne est un processus de gravitation centrée qui va faire en sorte que cela, on pourra donc constater ou considérer que le grand dévoreur est présentement en train de se manger lui-même. Et à un moment donné, il n'y aura plus rien. Ça amène un beau vide. Non. Sauf que, faut pas que tu poses des questions trop loin, tant que tu as encore de l'ego. Parce que ça amène pas à un beau vide, ça amène à un beau. Oui, OK. Je le percevais comme ça, quand, de toute façon, mais en même temps, ça peut laisser l'impression de... Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de mots. Après, on ne communique plus avec les mots, on communique avec de l'énergie opatie, etc. Ça vaut même pas la peine qu'on en parle. Une chose qui est évidente, c'est que tout est correct. Une chose qui est évidente, de toute façon, c'est qu'on a le choix d'aller vers quelque chose de correct, disons temporairement, ou d'aller vers de la merde immédiatement. Je vois facile. Ouais. Tu sais, bon, mettons que tu peux aller voir plus loin. Alors, tu as le choix entre brûler dans ta maison ou déménager avant qu'elle brûle. Ouais, mais l'autre, un jour, elle va tomber. Ouais, je sais bien, tu sais. Mettons. Mais c'est plus logique d'aller dans l'autre. Tout d'un coup, elle ne tombe pas. Bon, alors c'est pourquoi je te dis que présentement, l'humanité va vers une forme d'apocalypse. Il y en a qui vont aller vers quelque chose de drôlement mieux. Plus loin, moi je sais ce que ça donne, mais au niveau de l'humain, ça peut-être que certains le vibrent, d'autres ne le vibrent pas. Une chose qui est évidente, c'est qu'entre de la misère immédiatement ou de la misère plus tard, c'est mieux de la misère plus tard. Tu as toujours le temps d'aller chercher de la misère plus tard, puis de la misère plus tard, puis de la misère plus tard, puis de la misère plus tard, finalement jamais avoir une misère. Mm-hmm. Que dans la misère de suite, puis dans la misère de suite, puis dans la misère de suite. Il y en a qui aiment ça, évidemment, aiment ça. Puis au niveau des autres types d'intervention, au niveau évolutif, est-ce qu'il y en a d'autres? Oh oui. Quels sont-ils? Il y a des interventions qui vont venir pour contrer la remontée des forces d'involution. T'es gardien de but? Oui. Alors, pour contrer, il y aura... Premièrement, il y a plusieurs forces melchisédiennes. Qu'est-ce que c'est que Melchisédek? C'est une bonne question. Je te demande. Bon. Les Melchisédek qui sont au contact planétaire sont des Melchisédek. Il faut comprendre une chose, c'est que la planète Terre, elle a déjà existé, puis il y a déjà eu... Elle existait ailleurs, là. C'était pas la Terre. Mais c'est pas la première fois qu'on tente l'expérience. Bon. Et il y a des êtres humains qui ont eu des contacts supramentaux et qui ont eu un dôme éthérique et qui, à un moment donné, ont pénétré leur dôme éthérique et ont refusé la fusion. Refusant la fusion, ils ont perdu leur corps physique. Il s'est passé un travail à l'interne du dôme éthérique très particulier. Et cela a engendré ce que l'on connaît sous forme Melchisédek. Les Melchisédek attachés au contexte planétaire sont des Melchisédek, sont des êtres humains qui ont refusé la fusion. Bon. Le Melchisédek ne meurt pas. Le Melchisédek ne se reproduit pas. Il y a, à l'échelle de notre galaxie, une quantité fixe et limitée de Melchisédek. Les prochains êtres humains qui auront un contact probablement fusionnels, ceux qui auront un contact avec un dôme éthérique capable d'engendrer, de connaître la fusion, vont tous accepter la fusion. Qu'est-ce qui fait cette différence-là? Qu'il y en a qui l'ont refusé, qu'il y en a qui l'acceptent, puis maintenant, ils vont tous l'accepter. Le temps. C'est selon à compter toute l'histoire de l'antique humanité, mais le temps. Okay. À l'époque, c'était de bonne loi, c'est pas de refuser la fusion. Bon. Alors, ces Melchisédek vont revenir, vont travailler. Il y a beaucoup de Melchisédek qui vont se pointer et qui vont venir instruire certains humains. Le Melchisédek vient instruire de quelle façon? Le Melchisédek est normalement un personnage qui apparaît toujours sous forme de guerrier. Les Melchisédek ont toujours apparu à l'humain sous forme de sage, guerrier et prince. À cause de l'égrégore? Oui. Donc, ils ont toujours été reconnus comme étant des princes, princes d'un monde. Ils ont toujours été reconnus comme étant des sages, des personnages âgés, et comme étant des guerriers. Des guerriers qui n'ont pas d'armes à feu, parce qu'à l'époque, la dernière fois qu'on les a vus, ça remonte un petit peu avant l'arme à feu, à peine on savait faire le feu. Et le plus connu est le prince de Salem. Un autre très connu, un autre prince qui a rencontré à un moment donné le comte de Saint-Germain. Un autre connu assez, a rencontré Moïse. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont assez connus. Et ces Melchisédek vont en majorité se pointer le nez ici. Et ils auront comme fonction de donner à certains humains des clés, comme ils ont fait dans le passé aussi, des clés énergétiques belzébutiennes, des clés énergétiques vitales, c'est-à-dire qu'ils étaient des instructeurs de magie. Alors, le comte de Saint-Germain, lui, il a appris sa magie par les Melchisédek. Moïse a appris aussi sa magie, que ce soit transformer des bâtons en serpents, faire transformer de la neige supplémentaire en particules alimentaires qu'on appelle de la manne, que ce soit trouver de l'eau dans la roche, ou etc., que ce soit tasser de l'eau d'un bord puis de l'autre, hein, fermer le robinet, traverser les océans, c'est de la magie. Et Melchisédek viennent enseigner, on parlera des grands alchimistes, bon, Moïse est un grand alchimiste, sa sœur était une très, très, très, très, très grande alchimiste, il y en a plusieurs comme ça. Alors, les Melchisédek vont se repointer pour enseigner des façons de se battre, des façons, en réalité, évidemment, un guerrier supramental, lui, il se bat, c'est parce qu'il n'a pas à se battre, que tout va bien. Donc, quand on parle d'enseigner la façon de se battre, c'est que plus personne ne veut se battre avec toi. Donc, tu ne te bats pas. C'est le guerrier supramental de ne pas se battre. Bon. Mais les Melchisédek, pourquoi ils donnent cette instruction-là? Les Melchisédek vont donner cette instruction-là, oui, tu veux le savoir? Oui. C'est que les Melchisédek, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'incarnent chez celui à qui ils enseignent. Voilà. pas. Mais étant donné qu'ils ont une instruction au niveau de la magie, ils sont quand même, ils étaient arrivés à une phase de double éthérique, ils devront donc avoir une conscience supramentale. Ils ont une conscience supramentale qui est fixe, qui n'est pas évolutive, parce qu'ils n'ont pas de corps physique pour continuer à permettre, ils ne peuvent pas, vu qu'ils n'ont pas de corps physique, ils n'ont pas de corps vital, ils n'ont pas d'ego, vu qu'ils n'ont pas d'ego, ils ne peuvent pas engendrer de double éthérique plus gros, vu qu'ils ne peuvent pas engendrer de double éthérique plus gros, ils ne peuvent pas non plus continuer à nourrir un canal d'ajusteurs de pensée, ils ne sont pas capables de faire le transport séraphique, il leur manque plusieurs choses. Donc, ceux qui vont un jour arriver à la fusion n'auront pas réincarné un Melchizedek. Il y en a beaucoup qui vont en avoir réincarné, mais ils vont les avoir digérés. OK. À ce moment-là, ils vont juste avoir pris la partie guerrier supramental, bien entendu. Oui, c'est le guerrier supramental. Le Melchizedek est un guerrier supramental. Donc, c'est juste l'information qu'ils vont absorber. L'information qu'ils auront transmise. Donc, le guerrier supramental. C'est ça. Mais le Melchizedek, à ce moment-là, il est digéré, puis oui. Ah, plus de Melchizedek. Il peut même plus aller nulle part ailleurs. Ensuite, il est dissous totalement. Il est plus là. C'est ça. Il est quelque part ailleurs. OK. Oui, chez l'individu qui l'a digéré. Oui. Puis lui devient Melchizedek, mais ce n'est pas Melchizedek. C'est quoi d'abord? C'est un être. Okay. Voilà. Par la suite, il y aura aussi au niveau des interventions des kamikazes. Il y a des phénomènes d'entités qui ont été créés à travers l'évolution de notre humanité, de d'autres humanités, qui, eux, ont comme fonction de venir bloquer les forces évolutives en se sacrifiant. Bon, les MTS, dirais, c'est la troupe d'imbéciles. Mais ils doivent réincarner beaucoup. Non. Les MTS, non? Non, les MTS, quand on parle de cette force qui va venir se sacrifier, les MTS, ils disent, tu sais, ça c'est la force d'imbéciles. Parce que les MTS, il ne faut pas se sacrifier, les MTS sacrifient les autres. Ceux qui se sacrifient, quand on a un peu de conscience mentale, on pense que ce sont des imbéciles. Mais les MTS se sacrifient, ils volontairement. Ah ouais, mais ils ne le savent pas, eux. OK, ça marche. Ils ne le savent pas. S'ils le sauraient, ben, tout le monde, ça irait bien mal. Bon. Alors, il y a donc une force qui va venir se placer entre le plan supramental, entre les individus conscientisés supramentalement et les forces d'involution. Ce sont des personnages qui vont laisser des traces, des personnages qui vont pilonner le monde de la mort de façon à créer de faux chemins, pour que ceux qui vont rechercher les conscientisés ne puissent les trouver. Ce sont des personnages qui vont fuir en laissant suffisamment de traces pour que la majorité des forces d'involution suivent ces traces-là, et plusieurs vont nécessairement se faire bouffer par la force d'involution. Bon. Et les personnes qui se conscientisent, qui à un moment donné voudront retourner en arrière pour aller aider ceux qui sacrifient, vont se sacrifier avec eux. Mais ce sera un sacrifice volontaire? Bon, volontaire. Autant que faire se peut dans le contexte planétaire, on va dire volontaire. Les kamikazes, il y avait une forme de volontarisme dans tout ça? Oui, c'était la façon de rejoindre leur dieu. OK, donc, ces gens-là qui réincarneront ces kamikazes-là, il y aura aussi une forme de volontarisme dans le sens que... Dans le sens qu'ils sont totalement manipulés. Oui. Engagés. Et quelle autre forme? Les autres formes sont des formes un peu plus... petites. Ce sont des formes qui vont apparaître progressivement. Chaque individu qui se conscientise, à un moment donné, créera son propre mouvement. Ces mouvements-là, je ne parle pas de mouvement social, je parle de mouvement énergétique. Ces mouvements-là vont progressivement s'associer. Il y aura énormément d'entités de la nature qui vont s'associer à l'humain ascendant. Beaucoup d'entités de la nature, par contre, vont s'associer à l'humain descendant. Pourquoi? Les entités de la nature les plus évoluées vont croire accepter que c'est possible qu'à un moment donné, dans la race humaine, il y ait des êtres qui méritent, selon leur vision, d'être supportés énergétiquement, alors qu'énormément d'entités de la nature vont s'allier contre l'homme. Pour la simple, ils vont s'allier donc contre les forces d'involution parce que, depuis longtemps, plusieurs entités de la nature, c'est ce qui engendre tant de maladies d'ailleurs, plusieurs entités de la nature font tout pour que le règne humain tombe. Qu'est-ce qui fait cette dissension-là parmi les entités de la nature? Voilà, parce que le règne humain a toujours été un règne qui a pollué, détruit et jamais respecté. Les entités de la nature qui ont comme fonction de restaurer la roche, de restaurer les végétaux, de restaurer les animaux, etc., même les corps physiques humains, ces entités de la nature travaillent énormément, sont pillées, sont massacrées, etc. Alors, eux détestent totalement l'humain, ce qui fait qu'ils vont s'associer avec les humains prêts à faire les guerres, sachant que ça va détruire les humains. Et les entités de la nature, de tous les animaux domestiques, les entités de la nature, de toutes les plantes domestiques, les entités de la nature, de toutes les personnes qui ont des corps physiques entretenus, ces entités-là vont s'allier à l'homme qui est ascendant. Alors, à un moment donné, il y aura, même chez les animaux sauvages, progressivement, des entités de la nature qui, lorsqu'ils seront en contact énergétique près, lorsqu'ils seront en contact réel, avec un être humain conscientisé, l'entité décidera de s'associer à l'être humain conscientisé, mais elle restera une mécanique naturelle qui pourra rejoindre la partie sacrificielle, celle qui va se sacrifier. Autrement dit, nous avons un exemple. Un personnage qui te court après dans la forêt avec une meute de chiens. Bon. Et des Doberman. Qui n'ont pas mangé, qui ont mangé du yogourt pendant les trois derniers mois. Et les chiens te courent après, et lorsque les chiens te rattrapent, le premier chien qui te rattrape arrête, sent l'atmosphère, change, se pacifie, devient doux. Disons que les autres chiens arrivent, probablement que le premier Doberman va se retourner contre les autres chiens et se battre contre eux. Donc, il va se sacrifier. Peut-être encore pris 500 mètres. L'autre Doberman qui te rattrape par la suite vivra la même chose. Et à un moment donné, disons qu'il reste trois chiens, et les trois arrivent en même temps, les trois vont nécessairement se pacifier, ils vont se retourner contre leur maître. Le maître peut les tuer. Le maître peut se faire tuer. Voilà. Alors, c'est des mécaniques qui vont apparaître progressivement. Sauf que l'humain, dès le départ, ne pourra pas... astralement, il faut laisser le temps aux choses de changer. Autrement dit, quand un être humain est extraordinairement centré sur lui-même, lorsqu'un être humain est fusionné, totalement fusionné, donc, lorsqu'un être humain n'a plus de double éthérique, parce qu'il est digéré, les personnes ne pourront même pas le retrouver, c'est-à-dire qu'ils ne pourront même pas lancer la meute de chien après lui. Mais une personne va dire, oui, mais regarde, il me court après, comment ça se fait que? Eh bien, il y a des choses que tu ne sais pas encore. Quand le chien va prendre une mordée dans ton bras, il va arrêter net. Sauf que toi, tu dis, oui, mais tu sais, puis s'il arrête net, parce que j'ai plus de bras. Non, bon, c'est évident que c'est une question d'espoir spirituel, il y a des chances qu'effectivement. Mais quand tu parles des entités de la nature, par exemple, des chiens, qui eux vont savoir s'arrêter parce qu'ils vont être capables d'absorber l'énergie. Plus loin, même l'entité naturelle qui dirige l'humain va forcer l'humain à planter. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Pourquoi? Parce que la conscience astrale qui manipule l'humain est beaucoup plus puissante que l'entité naturelle qui manipule l'humain, qui manipule le corps physique de l'humain. Alors, c'est comme si, par exemple, tu viens pour assommer quelqu'un, mais ton bras refuse de bouger. Alors, l'entité naturelle qui dirige ton corps physique, l'interprète rationnel, finalement, ne voudra pas bouger le bras. Alors que toi, tu vas dire à quelqu'un, tu es là, ou tu es là. Bon, les autres vont essayer de bouger, mais quand ils vont pouvoir bouger tant qu'ils vont vouloir, le moment qu'ils vont vouloir t'agresser, ça ne fonctionnera plus. Bon, mais encore là, il faut que l'individu soit rendu à un niveau d'évolution intéressant. Et on parle de cela non pas parce qu'il y aura un paquet de colère, un paquet de batailles, etc. Là, on donne des exemples simplement pour faire comprendre ce que ça va donner. On parle d'intervention. Donc, il y aura une intervention densité de la nature qui ira en direction de l'humain. Plus l'humain est d'or et déjà écologiste, plus l'humain est reconnu par beaucoup d'entités de la nature qui, au lieu de le rendre malade, au lieu de lui puiser son énergie, vont commencer à un moment donné, pas tout de suite, quand les entités vont se sentir suffisamment en confiance avec l'humain ascendant, elles vont commencer à lui donner. Bon, mais nécessairement, il faut que l'humain commence. L'humain qui dit, tiens, il donne, ah, on va commencer à être écologiste. Il y a forte chance, c'est un peu tard. Il est sur la liste noire. Mais quand tu dis donner, c'est donner de l'énergie? Donner de l'énergie, instruire les entités qui te maganent, les entités, par exemple, qui dirigent le virus, les entités qui dirigent des choses comme ça. Il y aura... Si tu as à cultiver, ça va pousser mieux. Si tu as à chasser, tu vas chasser mieux. Si tu as à pêcher, tu vas pêcher mieux. Respirer, tu vas respirer mieux. Il y a plusieurs choses comme ça. Alors, c'est une des interventions qui n'est pas commencée, mais qui va commencer. Mais quand tu dis qu'il n'est pas commencé, si on regarde un peu au niveau des légendes ou de l'historicité, il y a quand même des faits qui ont été rapportés qui seraient... Oui, mais maintenant, c'est plus ou moins mort, là. À cause justement des massacres qu'il y a eu depuis. C'est ça. Il y a toujours des régions qui sont vierges, qui sont extrêmement intéressantes. L'Antarctique, par exemple, si tu peux aller faire une petite méditation là-bas, tu vas te rendre compte que les animaux viennent te voir, viennent te licher. Les oiseaux, ils font leur besoin sur toi, mais ils viennent aussi atterrir sur tes épaules, ça se promène partout. Ça, tu es considéré comme, comme l'animal. Si tu rentres dans un territoire qui dérange un petit moineau, il te fait des gros becs puis il te saute dessus. Même si c'est un humain qui arrive là avec Ils connaissent pas l'humain, là. OK. Donc, maintenant, ils commencent à connaître un peu, parce que là, c'est un peu plus pollué, il y a beaucoup de bases, ils voulaient faire des centrales nucléaires là-bas, des choses comme ça, bon. Mais c'est une région où les entités de la nature ne sont pas contre l'homme. Alors, il y a effectivement encore des régions comme ça où on peut dire ça existe, mais où on est nous, là, c'est compliqué. Il n'y a pas une forêt au Québec, par exemple, qui n'a pas déjà été bûchée. Bon, il n'y a pas un territoire qui n'a pas été bûché. Est-ce que les entités de la nature-là peuvent percevoir, parce que s'il y a une région où ça a été moins bûché, est-ce qu'ils peuvent percevoir qu'autour, c'est du bordel dans la... Ah, mais ça, ils le savent tous. Mais chacun est pogné avec sa fleur. Si la fleur est dans un territoire problématique, ben, l'entité aussi. Fait que l'entité va nécessairement détester ce qui, dans la conscience, vient détruire. C'est comme, regardez ceci, l'entité de la nature, ce qu'il voit arriver, il voit un dieu. Et le dieu vient, puis le dieu l'écrase en marchant sur le pissenlit. Quand c'est un loup, un cheval, un chien, il ne voit pas là un dieu, ça ne dérange pas autant. Et quand il voit l'humain arriver, c'est génial. Puis l'humain, il détruit tout. Là-dedans, ça ne comprend plus rien. Ça haït. Ça va détester beaucoup plus rapidement que quand un chien vous frappe, ça ne vous dérange pas trop. Quand c'est un humain, vous êtes insulté. C'est la même chose. Parce que vous reconnaissez de l'intelligence chez l'humain, pas chez le chien. Alors, on fait une pause photographique.